16h20, rendez-vous avec X, c'est avec Patrick Pénaud. Quelques coups de feu qui claquent. Un homme qui s'écroule sur la banquette arrière de son auto. Une scène banale dans le Liban des années de sang. À Beyrouth, au début des années 80, les attentats sont presque quotidiens. La ville est en ruine, divisée. Les habitants vivent terrés. Alors, un assassinat de plus ou de moins. Oui, mais l'homme qui est tombé sous les balles des tueurs n'est pas n'importe qui. C'est l'ambassadeur de France au Liban. Et l'annonce de son assassinat va provoquer un véritable choc dans la plupart des communautés libanaises. À plusieurs reprises déjà, M. X a évoqué devant moi, à propos d'autres dossiers, les événements libanais. Mais c'est la première fois qu'il m'en parle aussi longuement. Il ne pouvait en être autrement tant les histoires de France et du Liban se sont croisées à de multiples reprises, tant aussi les hommes de l'ombre, tels M. X, y ont joué leur rôle. De tout temps, dans cet Orient compliqué, comme disait le général de Gaulle, les agents secrets de tous les pays ont emberlificoté une situation déjà suffisamment confuse. Beyrouth, capitale des espions. À partir de 1975, la Suisse du Levant, comme on appelait le Liban, devient le champ clos de luttes intestines. Mais derrière chaque clan, derrière chaque seigneur de la guerre, se cachent des intérêts étrangers. Syrie, Irak, Iran, Israël, Arabie Saoudite se font la guerre par milices interposées, avec en filigrane la question palestinienne. Et bien sûr, occidentaux et soviétiques ne peuvent pas rester indifférents. Et la France ? Elle ne peut pas non plus rester indifférente en raison des liens anciens qu'elle entretient avec le Liban, où beaucoup d'habitants sont d'ailleurs francophones. Très vite, lorsque les premiers troubles déchirent le pays, la France propose d'envoyer des troupes afin de consolider la paix, pour reprendre les mots utilisés par Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République. Mais l'initiative française provoque des tollés. Les milieux progressistes libanais, mais aussi les Palestiniens, accusent notre pays de vouloir revenir à la politique de la canonnière. La France n'interviendra donc qu'au sein de la Finul, dans le sud Liban, pour s'interposer entre Israéliens et Palestiniens. Puis, plus tard, dans le cadre de la force multinationale. On le sait, notre pays sera durement frappé au Liban. En essayant de réunifier ce pays, en veillant à dialoguer avec l'ensemble des communautés, la France ne fera que s'attirer les inimitiés de toutes les factions, comme s'il était impossible de réaliser un véritable équilibre dans ce pays de passion et de sang. Louis de Lamar le paiera de sa vie. Dans un instant, le récit de M. X. Saint-Terre, Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X. J'ai fait très souvent le voyage de Beyrouth, enfin j'allais dire presque trop souvent. Pourquoi trop souvent ? Oh, parce que c'était insupportable de voir cette ville que j'aimais plonger peu à peu dans le chaos. Et pourtant Dieu sait que la vie était douce à Beyrouth avant la guerre. Bah, il n'y a rien à faire contre la folie des hommes. Et quand vous y alliez, c'était en mission ? Bien sûr, il y avait toujours des tas de gens intéressants à rencontrer à Beyrouth. Ah, des agents secrets ? Oui, bon, des trafiquants aussi. Les armes, la drogue, Beyrouth était un carrefour, une sorte de capitale. On trouvait tout dans la capitale libanaise. Chaque seigneur de la guerre possédait sa milice et mettait en coupe réglée un secteur économique. A noter d'ailleurs que même au pire moment de la guerre, quand les obus et les attentats obligeaient les Béroutins à vivre cachés, les affaires continuaient. Même les affaires immobilières. Qu'est-ce qui veut dire ça ? Bah, qu'on reconstruisait à mesure qu'on détruisait. D'ailleurs, je soupçonne que les bâtisseurs étaient aussi les mêmes qui fournissaient les obus. Enfin, passons. Et résumons, si c'est possible, au début de 1981. C'est l'enfer au Liban. D'un côté, il y a l'armée, les forces du Front Libanais, les FL, c'est-à-dire les forces libanaises. Ça, c'est les chrétiens. Hein? Oui, unis, pour une fois, avec Béchir, Gemayel à leur tête. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la FAD, la force arabe de dissuasion. Mais en fait, cette FAD, c'est le cache-sexe des Syriens. Bah, une jolie formule. Mais des Syriens qui d'ailleurs, hein, se sentent depuis toujours chez eux au Liban. Oui, oui, ils n'ont jamais reconnu l'indépendance du Liban. Pour eux, c'est une simple province syrienne. J'ajoute qu'aux côtés de la FAD, il y a également l'ALP, l'Armée de Libération de la Palestine, mais aussi les Druzes, socialistes de de Jumblat. En reprenant, vous avez dit, c'est l'enfer. Hein? Oui. Bon, les chrétiens ont décidé en effet de passer à l'offensive contre les Syriens. Et ils attaquent en deux points, Beyrouth Ouest et Zalé, dans la plaine de la Beka. Les Syriens ripostent durement, Beyrouth est alors bombardée tous les jours. Zalé est encerclée par les troupes syriennes et le conflit risque de s'internationaliser. S'internationaliser, c'est pourquoi ça... Parce que les chrétiens libanais font appel à Israël. Et les Israéliens répondent à cet appel? Oui, tout de suite. Deux hélicoptères syriens sont abattus au-dessus de Zalé par l'aviation israélienne. Damas répond en installant des batteries de missiles sol-air, SAM. On frôle la guerre entre la Syrie et Israël et les super-grands doivent s'en mêler. Ouais, mais la France... J'y viens. Ce début de 1981, on ne pense qu'à une chose. La prochaine élection présidentielle et quand le président en place... Giscard d'Estaing. Oui. Quand il apprend donc que Zalé est pilonné par les Syriens, il décide de faire un geste. Un geste... comment dire, électoral? Bon, ça, je ne me prononcerai pas. En tout cas, il envoie des avions sanitaires pour évacuer les blessés chrétiens, ce qui en soi est assez peu réaliste. Ben pourquoi? Parce que les Libanais n'avaient nul besoin d'assistance sanitaire. Leurs hôpitaux étaient au moins aussi bien équipés et efficaces que les nôtres. Mais, je vous l'ai dit, il fallait faire un geste. Même inutile, oui. Et puis ça plonge dans l'embarras notre homme, là-bas. Notre homme, c'est-à-dire notre ambassadeur? Oui, de Lama. Ouais. Pourquoi a-t-il plongé dans l'embarras? Parce que de Lama a bien du mal à trouver des blessés volontaires pour remplir un solde des transals envoyés par Paris. Mais comme c'est un type zélé et opiniâtre, il arrive à racoler une vingtaine de blessés et les expédier en France. Mission accomplie. Ouais. Bravo. Alors parlez-moi de lui, puisqu'il va être, bien sûr, au centre de cette affaire. De Lamar, c'était quelqu'un, un sacré bonhomme. Alors, vous l'avez connu? Naturellement, on ne pouvait pas se rendre à Beyrouth sans le rencontrer. C'était un personnage incontournable de la capitale libanaise. C'est-à-dire? Eh bien, ce fin spécialiste du Proche-Orient connaissait tout le monde. Et il rencontrait tout le monde. Vous voulez dire, l'ensemble des responsables des différentes factions libanaises? C'est ça, oui. À la résidence des Pins, sa résidence officielle, ils venaient tous. Et ce n'était pas un mince exploit quand on sait la haine qui animait tous ces petits chefs. J'ajoute que Delamar ne se contentait pas de recevoir, il se déplaçait aussi, beaucoup. Et c'était un des seuls diplomates à franchir quotidiennement la ligne de démarcation. Qu'on appelait la ligne verte, la fameuse ligne verte. Oui, cette ligne qu'on ne pouvait franchir qu'au musée. Delamar rencontrait régulièrement le leader druze Walid Jumblat, mais aussi Béchir Gemayel, le chef des milices phalangistes. Celui qui sera élu président et sera assassiné peu après. Enfin, il avait de fréquents contacts avec Yasser Arafat. Étonné, le 14 juillet 81, pour la fête nationale française, il avait réussi l'exploit de réunir à la résidence des Pins tous les chefs des milices. Et ça, c'était incontestablement un succès diplomatique. Mais quel but, lui, personnellement, poursuivait-il? Il se battait à sa façon pour la paix et l'unité du Liban. Et ça, forcément, ça ne pouvait pas plaire à tout le monde. J'imagine que vous voulez d'abord parler en priorité des Syriens. Évidemment. Pour eux, l'unité libanaise, ça signifiait d'abord l'indépendance du pays. Et ils n'en voulaient à aucun prix. De Lamar gênait, donc. Oui. Et il le savait? Bien sûr. Et on lui avait fait savoir? À la façon libanaise. Sa voiture a été plastiquée et à de nombreuses reprises, des obus, comme par hasard, sont tombés dans le parc de la chancellerie. Autant d'avertissements. Ça y ressemblait en tous les cas. Mais se sentant menacé, est-ce que Louis de Lamar prenait des précautions particulières? Aucune. Ça paraît quand même bizarre. Non. De Lamar était ainsi. Il se promenait en auto dans Beyrouth sans escorte armée, avec pour seul compagnon le chauffeur de l'ambassade. C'était sa façon à lui, courageuse, de montrer qu'il n'avait pas peur et que rien ne le ferait renoncer à sa mission pacifique. Mais pourtant, il connaissait bien le Liban. Et considérant qu'il avait des amis dans tous les clans, il devait penser qu'il était intouchable. D'ailleurs, il a refusé la voiture blindée que le Quai d'Orsay voulait lui envoyer. Ça a été sa seule véritable erreur. L'erreur fatale d'un juste. Dans le journal Le Matin, daté du 5 septembre 1981, j'ai trouvé ce portrait de l'ambassadeur de France au Liban, assassiné le 4 septembre. On peut dire que Louis de Lamar représentait la France sans rien emprunter aux manières des diplomates traditionnels. Il y avait dans sa forte carrure et derrière ses yeux sans cesse en alerte suffisamment de ressources propres. Une force de travail qui ne laissait guère de temps au dîner mondain. Une liste intarissable d'histoires drôles à raconter, beaucoup de chaleur, de curiosité et de bon sens. Un gaulliste qui n'avait pas attendu le 10 mai pour incarner la force tranquille. Un serviteur de l'État aux allures d'inspecteur Maigret qui ne se prenait pas pour un prophète. Plus loin, le journaliste conclut, je le cite à nouveau, « Que ce petit homme moustachu et débonnaire soit mort sans escorte alors qu'il se savait menacé » témoigne de la confiance qu'il faisait à ses semblables et démontre que ses agresseurs n'avaient rien qui puisse ressembler à cet être si humain. Ailleurs, dans leur livre « Enquête sur trois secrets d'État », Jacques de Rogy et Jean-Marie Ponto écrivent que Louis de Lamar poursuivait un double dessein avec courage et détermination. D'abord, encourager la reprise du dialogue entre Libanais, et ensuite favoriser le dialogue entre les Libanais et leurs encombrants et tumultueux hôtes palestiniens. C'est dans ce but qu'il travaillait à la constitution d'une force d'interposition internationale et multipliait les contacts personnels avec toutes les parties. Le 4 septembre, au matin, exceptionnellement, Beyrouth est presque calme. On a entendu seulement quelques coups de feu du côté du port et on assistait à d'inévitables échanges d'un petit nombre d'obus de part et d'autre de la ligne de démarcation. Bref, la routine. Mmh. Puis j'imagine que les Beyrouthains étaient habitués. Hein. Oui, aussi étonnant que cela paraisse. Louis Delamarre, comme tous les jours, travaille à l'ambassade, à Beyrouth-Ouest, très près de cette ligne de démarcation dont je vous parlais. A noter que ce matin-là se tient une énième réunion au palais présidentiel de Baabda. Quel genre de réunion ? Autour du président libanais Sarkis, on trouve les ministres des Affaires étrangères du comité quadripartite arabe, nommé par la Ligue arabe. Ce sont eux qui, en principe, commandent la force arabe de dissuasion. Mais en fait, tout le monde sait que ce sont les Syriens qui tirent les ficelles. Donc une réunion pour pas grand-chose, quoi. Pas tout à fait, parce que les Saoudiens font pression sur les Syriens afin qu'ils desserrent leur étreinte. Autre chose importante, une semaine plus tôt, le ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, Claude Cheysson, est venu à Beyrouth. Delamarre lui a organisé une rencontre avec Yasser Arafat, et ça n'a pas dû faire plaisir aux Syriens. Et pour quelle raison ? En principe, à l'époque, Palestiniens et Syriens étaient dans le même camp. En principe. C'est-à-dire à condition qu'Arafat obéisse au doigt et à l'œil à Fès al-Assad. Alors ce n'est pas tout à fait le genre du bouillant dirigeant palestinien qui ne néglige pas une occasion de montrer son indépendance. Le fait par exemple que la rencontre chez son Arafat ait eu lieu à Beyrouth a dû fortement déplaire au président syrien. Pourquoi ? Eh bien Fès al-Assad aurait préféré que la rencontre ait lieu à Damas sous ses auspices. Encore un autre motif de mécontentement, le ministre français a aussi rencontré les dirigeants libanais. Or, à l'issue de ses rencontres avec les Libanais, Cheysson a donné une conférence de presse où il s'est prononcé contre toute occupation étrangère au Liban. Encore une pierre dans le jardin de Damas. Là, ça fait plusieurs fois là, que vous montrez clairement du doigt la Syrie. Hein. Oui, bon, enfin, revenons à cette journée du 4 septembre. En fin de matinée, Louis Delamarre quitte l'ambassade pour regagner sa résidence. La fameuse résidence des Pins. Un magnifique bâtiment de caractère mauresque qui a malheureusement été complètement détruit depuis. Pour rejoindre cette résidence, la voiture de l'ambassadeur doit passer la ligne de démarcation et pénétrer dans Beyrouth Est. Ouais, c'est-à-dire la partie de Beyrouth contrôlée par les Syriens. Oui, et où il faut s'arrêter à de nombreux barrages contrôlés par les hommes de la FAD, la force arabe de dissuasion. Mais le véhicule de Delamarre, une 604, arborant un fanion tricolore, est bien connu. Et l'ambassadeur passe sans encombre. Il est presque arrivé. La résidence des Pins est en vue lorsque soudain, une grosse BMW blanche se met en travers de la 604. À l'intérieur, quatre hommes. Un traquenard. Évidemment. Et écoutez bien, parce que ce qui va se passer est étrange. Un homme, armé d'un pistolet mitrailleur, descend d'abord de la BMW. Il court vers la 604 et il essaie d'ouvrir la porte arrière. Là où se trouve l'ambassadeur. Oui. Mais Louis Delamarre a compris et il a ordonné à son chauffeur de bloquer les portières. Un deuxième homme armé sort et lui aussi, il essaie d'ouvrir l'autre portière arrière. Un nouvel échec, donc. Bien sûr. Alors les deux hommes tirent sur l'ambassadeur à travers les vitres. Louis Delamarre est mortellement touché. Son chauffeur essaiera bien de le conduire à l'hôpital le plus proche, mais il n'y avait plus rien à faire. Et les assassins, hein ? Ils fuient. Mystérieusement, les barrages tenus par les Syriens s'ouvrent devant eux et la BMW, on l'apprendra plus tard, rejoint les quartiers populaires chiites de la capitale libanaise. Ce n'est pas le seul mystère. De part et d'autre de l'endroit où l'ambassadeur a été assassiné, il y avait des barrages tenus par les hommes de la FAD. Or, ceux-ci n'ont pas réagi. Mais ce qui est également étrange hein, de votre récit, c'est l'attitude des tueurs. Pourquoi ont-ils essayé d'ouvrir les portières avant de tuer Louis Delamarre ? Simplement parce que leur objectif n'était peut-être pas d'assassiner l'ambassadeur français, mais bien plutôt de l'enlever. Voilà pourquoi ils se sont conduits ainsi, et si Delamarre n'avait pas fait fermer les portières, il serait peut-être encore vivant. D'accord, mais alors qui se dissimule derrière ? Là, vous m'avez quand même clairement laissé entendre que les Syriens étaient, sinon les auteurs de l'assassinat, mais au moins les complices. Hein ? Oui, mais enfin, dans ce genre d'affaires, surtout lorsqu'elles se passent au Proche-Orient, il convient d'être prudent et d'examiner toutes les pistes possibles. Alors, allez-y. Hein. Eh bien, dans les services, avant de penser aux Syriens, on pense à Téhéran. Pourquoi ? Parce que la France a récemment accueilli sur son sol au moins trois opposants notoires au régime de l'ayatollah Khomeini. Bani Sadr, Chapour Bakhtiar et le chef des Moudjahidines, Massoud Rajavi. Ce qui a déchaîné la colère de Téhéran et justifié les menaces claires qui ont été proférées contre notre pays et ses intérêts dans le monde. Et les Iraniens auraient pu imaginer de prendre notre ambassadeur en otage afin De l'échanger contre un de ses opposants réfugiés chez nous, c'est ça ? Pourquoi pas ? Dès cette époque, les Iraniens s'étaient déjà fait une solide réputation de preneurs d'otages, rappelez-vous. L'affaire de l'ambassade américaine de Téhéran. Puis ils vont donner plus tard ô combien la preuve de leur sinistre savoir-faire à Beyrouth même. En outre, étant donné l'importance de la communauté chiite au Liban, les khoménistes y sont comme chez eux et contrôlent des quartiers entiers de la capitale libanaise, avec la complicité des Syriens, bien sûr. Bon, autre piste. Les Palestiniens. Arafat ? Non. Je vous ai dit que Delamar entretenait les meilleurs rapports du monde avec lui. Mais une faction dissidente de l'OLP, pourquoi pas ? Il n'en manque pas. Surtout depuis que Yasser Arafat a fait clairement le choix de la diplomatie contre celui de la violence terroriste. Or, deux informations très précises nous parviennent quelque temps avant l'assassinat de notre ambassadeur. Je vous écoute. Eh bien d'abord, un mystérieux groupe appelé El Asifa s'est promis de châtier tous les médiateurs entre Israël et les Palestiniens. Oui, mais le rapport avec lui de Lamar ? Mais c'était incontestablement l'un de ces médiateurs. En choisissant le camp de la paix, en intervenant inlassablement pour que les uns et les autres se rencontrent, il était au cœur de toutes les négociations, de toutes les médiations. N'oubliez pas qu'au sud du Liban, les Israéliens occupaient une large bande du territoire national. Et il était évident que jamais les Syriens ne se retireraient du Liban si les Israéliens continuaient d'occuper ces terres à sa frontière. Peut-être... Mais est-ce qu'on sait qui se cachait vraiment derrière cette mystérieuse organisation palestinienne ? Comment vous avez dit ? Oui. Nous avons très vite soupçonné que c'était l'un des plus redoutables terroristes palestiniens, Abu Nidal lui-même. Ah oui, effectivement. Mais vous m'avez parlé, d'une deuxième information. Exact. Celle-là nous est venue de Vienne, où un attentat contre une synagogue venait de faire 2 morts et je ne sais plus combien de blessés, quelques jours avant l'assassinat de Louis Delamar. Là-bas, les autorités avaient eu vent de l'existence d'un nouveau mouvement terroriste, Juin Noir, qui se proposait de déclencher une nouvelle vague de terreur dans les pays occidentaux. Et la CIFA, Juin Noir, mais quelle preuve, ce ne sont que des supputations. Vous avez raison, mais nous n'avions aucune preuve pour l'instant. Mais bientôt, nous allions en savoir un peu plus en enquêtant sur le terrain. Au Liban ? À Beyrouth même. Dans le livre de Ponto et de Rogy que j'ai déjà cité, j'ai trouvé un récit très détaillé de l'assassinat de Louis Delamar. Récit qui corrobore celui de M. X. Je cite mes confrères. En fait, toutes les indications recueillies, tant auprès des témoins que dans le rapport des services de renseignement palestiniens ou phalangistes, permettent de reconstituer assez vite le film des événements. D'abord, on comprend mieux que l'intention première des membres du commando n'était pas d'assassiner l'ambassadeur de France, mais de l'enlever. D'où les vains efforts de deux des terroristes pour ouvrir les portes arrière de la 604 avant de tirer quelques rafales à travers les vitres. Ce type d'enlèvement d'un diplomate afin de l'intimider personnellement ou de faire pression sur son pays n'est pas exceptionnel. 6 mois avant le traquenard sanglant dont a été victime Louis Delamar, le chargé d'affaires jordanien était lui aussi enlevé par les services syriens et contraint, 2 mois plus tard, peu après avoir été étrangement libéré par les autorités syriennes, de déclarer à la télévision de Damas que le régime de Hafez el-Assad n'était nullement impliqué dans son enlèvement. C'est seulement de retour chez lui à Amman que le diplomate jordanien put expliquer comment les choses s'étaient réellement passées. Soyons clairs, c'était quand même la piste syrienne qui nous paraissait la plus sérieuse. Mais nous étions à Beyrouth, et là-bas... Tout était possible. Que voulez-vous dire ? Je crois qu'à l'époque, il devait exister au moins 100 de groupuscules armés, sans compter les milices officielles. Ça signifie que pour exécuter un contrat, on pouvait trouver des tueurs pour une bouchée de pain. C'est peut-être quand même un peu exagéré. Je vous assure que non. Pour l'équivalent de 1000 francs, vous aviez un tueur à votre disposition. Sans compter que les armes, y compris les plus sophistiquées, fourmillaient dans la ville. D'accord, mais vous avez dit qu'une enquête a été menée sur place par les services français. C'est exact, mais auparavant, le premier qui nous a donné un vrai tuyau, c'est Arafat. À peine 8 jours après la mort de Delamar, il nous a fait tenir un dossier. Conclusion de ce dossier ? Ce sont les Syriens. Et est-ce qu'il donne des preuves ? Il avance même des noms. Les noms des membres du commando ? Certains, oui. Mais comme nous sommes prudents, nous sommes allés vérifier sur place les informations du leader palestinien. Vous en étiez ? Non, mais j'ai suivi l'affaire. Bien au choix, Patrick. Allons, monsieur Penaud, c'est un petit peu facile. Non, puis tout le monde n'est pas James Bond. Non, ça, je vous l'accorde. Alors, résultat de cette enquête sur le terrain ? Eh bien d'abord, en partie grâce au tuyau d'Arafat, nos hommes ont pu reconstituer l'itinéraire parcouru par la BMW blanche après l'assassinat. Heureusement, à Beyrouth, quand on connaît les gens et qu'on dispose d'un peu de monnaie dans sa poche, on arrive à savoir beaucoup de choses. Nous avons donc pu établir que la grosse voiture avait franchi sans difficulté plusieurs barrages tenus par les Syriens. Puis elle s'était dirigée vers le quartier populaire de Shia. Un quartier chic de la banlieue sud. Hein? Je vois que vous connaissez aussi Beyrouth. Oui, beaucoup moins que vous, certainement. Donc là, la BMW s'est arrêtée devant l'un des sièges du mouvement Amal. Bon, Amal, vous le savez, c'est un mouvement chiite proche à la fois des Iraniens et des Syriens. En fait, nous savons que les services de renseignement syriens contrôlent étroitement ce mouvement. Arrivé là, que font les membres du commando? Ben, ils entrent dans le bâtiment, il est évident qu'ils sont chez eux. Chez eux, bon. Et leur identité? Le principal tueur est un nommé Husseini, mais leur chef s'appelle Mohamed Yassine. Il y a encore un type du nom de Moussaoui. Je ne me souviens plus de l'identité du quatrième, enfin peu importe, mais ce qui est très intéressant, c'était que Yassine... Le chef? Oui. Mmh. Yassine est un homme des services secrets syriens. Ben, donc l'assassinat ici, alors? C'est évident encore que... Ah. Tout n'est peut-être pas aussi clair que ça. Hein. Pourtant, vous avez donné des preuves, on dirait, éclatantes de la culpabilité syrienne. Je suis d'accord, mais n'y en avait-il pas un petit peu trop? C'est-à-dire? Bah, par exemple, cette facilité avec laquelle la BMW traverse les barrages. Et puis, c'est arrivé au siège d'Amal, au vu et au su de tout le monde, dans un quartier populaire qui fourmille de monde, pas très discret, non? Des professionnels, enfin je veux dire, des professionnels sérieux, auraient au moins changé de voiture. Oui, mais s'ils se sentent à l'abri. Sans doute. Enfin, dans une ville comme Beyrouth, où tout finit par se savoir, où il y a des informateurs à tous les coins de rue, ça n'est pas très habile. Mmh. Vous voulez dire que les membres du commando ont tout fait pour que la Syrie apparaisse comme l'organisatrice de l'assassinat? En tout cas, ça y ressemble. Et je peux dire que pendant longtemps, on a vraiment cru à la culpabilité syrienne. Et que, donc, nous avons agi en conséquence. C'est-à-dire, ça veut dire... Bah, quelques semaines après le meurtre de Lamar, une voiture piégée a explosé à Damas, près de la présidence du Conseil, et il y a eu des dizaines de morts. Et ça, cet attentat, c'était les services français? Oui, même s'ils n'ont pas actionné eux-mêmes le détonateur. Quant aux tueurs, les agents français les ont longtemps pourchassés. Je suis sûr qu'au moins l'un d'eux, le nommé Moussaoui, a été liquidé en 1983 dans un hôpital libanais à Tripoli. Et là aussi, par des Français? Incontestablement. Mais revenons quand même... À ce doute que vous avez évoqué, hein, insinué à propos de la réelle culpabilité des Syriens. Entendons-nous, je ne dis pas que les assassins n'étaient pas des gens à la solde de Damas, mais au fond de moi-même, je suis sûr qu'il y a eu une manipulation. Vous voulez dire que la Syrie aurait pu être manipulée? Oui, et j'ai commencé à entrevoir ce qui est peut-être la vérité en découvrant un étonnant récit dans le journal arabe Al-Watan Al-Arabi. Un journal qui paraît à Paris, hein, c'est juste ça. Ouais. Et journal qui sera un peu plus tard la cible d'un attentat. Au début de 1982, oui. Ce n'est pas là sans rapport avec le dossier de la main. Alors parlez-moi de ce récit que vous avez lu dans ce journal arabe. Mais il était question, avec un luxe de détails, des préparatifs de l'opération qui allait coûter la vie de notre ambassadeur. L'origine, c'était les efforts de la diplomatie française pour mettre fin au siège de la ville de Zaalé. Les Syriens avaient vu ça d'un très mauvais œil, et au cours d'une réunion secrète, les principaux dignitaires du régime s'étaient posé la question: que faire de ce de la main? C'est-à-dire, que faire pour s'en débarrasser? Naturellement. Et au cours de cette réunion qui se serait déroulée en présence du président Hafez al-Assad, on aurait carrément évoqué son assassinat, mais finalement, on s'était arrêté à l'intimidation. Commence alors des bombardements autour de la chancellerie. On en a parlé, hein. Ouais, les obus égarés, bien sûr. Puis comme ça ne suffit pas, on plastique une voiture de l'ambassade. Mais Delamare n'est pas du tout impressionné. Non, on va passer à l'étape supérieure. Oui, avec l'assentiment et l'aide des Iraniens qui, eux aussi, sont furieux contre les Français. C'est ainsi qu'est montée l'opération enlèvement. Une opération qui se termine par un assassinat. C'est assez crédible, ce récit. Oui, presque trop crédible. Surtout quand on sait que le journal Al-Watan Al-Arabi est un journal violemment anti-syrien et proche de l'Irak. Et vous laissez penser que cette accusation contre la Syrie aurait pu être suggérée à cet organe de presse? Pourquoi pas? Mais alors, qui aurait manipulé tout ça? L'Irak? Non. Non, écoutez, je n'ai aucune preuve, mais j'ai quand même ma petite idée. Au moment de la crise de Zaalé, on a frôlé la guerre entre les Arabes et les Israéliens, je vous l'ai dit au début de cet entretien. D'autant qu'en Israël, on était en pleine campagne électorale et que le Premier ministre Begin pouvait être tenté de faire de la surenchère pour gagner. Oui, mais la guerre est évitée à oui, ce moment-là. Oui, et Begin gagne, même sans guerre. Gagne les élections. Il forme un premier, puis un deuxième gouvernement. Dans celui-ci, il fait entrer au poste de la défense un homme qui ne rêve que d'en découvrir. Ah oui, Ariel Sharon. Oui, on est en août. En septembre, Delamare est assassiné. Vous n'allez quand même pas me dire. Je ne prétends rien, je fais des rapprochement. Et j'affirme en tout cas que pour les faucons israéliens, la politique française au Proche-Orient était inacceptable. L'assassinat d'un ambassadeur français à Beyrouth pouvait exacerber le ressentiment des chrétiens libanais contre les Palestiniens, cause de tous leurs maux. Sans compter qui ne pouvait pas voir d'un bon œil les contacts fréquents que Louis de la Mare entretenait avec Yasser Arafat. En admettant que vous ayez raison, vous croyez que les Israéliens auraient pu manipuler des tueurs syriens? Mais pourquoi pas? Le Mossad nous a souvent habitués à des machinations encore plus machiavéliques. Et puis faire accuser les Syriens, les faucons israéliens, ne pouvaient pas imaginer plus joli piège. Je n'ai bien sûr trouvé nulle part une confirmation de cette thèse tout à fait inédite. J'ai noté toutefois dans l'excellent livre de Jonathan Randall sur le Liban, La guerre de Milan, cette phrase. Avec la formation du nouveau gouvernement Begin, toutes les contradictions non résolues qui entouraient la politique israélienne au Liban furent balayées par un véritable raz-de-marée d'agressivité et de militarisme. Le principal architecte de la nouvelle politique fut le ministre de la Défense, Ariel Sharon, qui avait mis la main sur ce portefeuille tant convoité en raison du goût qu'il avait manifesté toute sa vie pour la violence, la témérité et le pouvoir. Sharon, qui, entre parenthèses, soutenait alors publiquement que la zone d'influence militaire d'Israël devait s'étendre bien au-delà du monde arabe. Sharon, enfin, qui enverra bientôt ses chars jusque dans les rues de Beyrouth et portera une lourde responsabilité dans les massacres des camps palestiniens de Sabra et Shatila. Je ne peux vous en dire plus et vous retrouve samedi prochain.